Entre-temps, Sébastien a allumé sa lampe de poche. La lumière de la lune et un léger vent qui se lève font danser dans la forêt des ombres bizarres. Prudemment, et le cœur battant, les garçons font bien attention où ils marchent et regardent autour d'eux. Quelque chose fait du bruit derrière eux. Tout cela commence à devenir intéressant, pense Sébastien. Il regarde dans les buissons. Ce n'était qu'une souris, poltron. De plus en plus tendu, il continue à marcher. Des branchages craquent sous leurs pas. Soudain, Julien pousse un cri. « Aïe, j'ai heurté quelque chose du pied !»« Regarde, une racine, une simple racine !» dit Sébastien calmement. « Moi, je rentre maintenant, j'en ai marre !» se lamente Julien, les larmes aux yeux. Sébastien veut dire quelque chose quand la lumière de sa lampe de poche éclaire une bâche de couleur claire. « Qu'est-ce qu'il y a, là ?» dit-il à voix basse. Et ce qu'ils voient les fait pâlir tous les deux. Devant eux, il y a, à demi couvert par les feuilles, un couteau et une main à laquelle manque l'index. « Mon Dieu !» balbutie Julien. Complètement horrifié, il observe Sébastien qui, après quelques secondes de frayeur, s'approche de l'horrible trouvaille et soulève prudemment un coin de la bâche. Il met au jour des vêtements sales et déchirés, une corde usée et un bidon rouillé sur lequel est peint une tête de mort et deux os croisés. « Viens !» ordonne Sébastien. Hésitant et tremblant de tous ses membres, Julien s'approche et heurte par hasard du pied l'arme du crime. Elle est légère comme une plume. « Hé ! Elle est en plastique !» La tension tombe brusquement. Courageusement, Sébastien saisit la main tendue et tire sur le bras d'un mannequin en plastique. Il pousse un soupir de soulagement. Probablement quelqu'un qui a déchargé ses déchets. Et qui nous a effrayés terriblement. Qu'est-ce que tu en penses? Voilà ce que cet individu a traîné dans son sac dans la forêt, des ordures. Sébastien et Julien se regardent et se mettent à rire. Allez, maintenant on rentre. Peut-être qu'on a déjà remarqué notre absence à la colo, plaisante Sébastien. Et éteins ta lampe de poche. On ne doit pas nous voir dehors à cette heure de la nuit. Assez vite, ils regagnent la petite route quand, après quelques mètres, Julien s'arrête soudain. Qu'est-ce qu'il y a là de clair sur la route? Ah, tu ne vas pas recommencer avec tes histoires stupides, sans doute un papier. Un peu à contre-cœur, Sébastien rallume sa lampe de poche. Oh non! Oh, ce n'est pas possible! Un mouchoir plein de sang! Hé, voilà, regarde! Des taches de sang toutes fraîches sur la route! Mon Dieu! Il n'y avait pas que des ordures dans le sac!